sort bras dessus, bras dessous. Tu m'aimes encore et moi par-dessus tout. On sort, le temps est doux, pas besoin de par-dessus. On s'habille bras dessous, bras dessus. Viens, on va flâner le long des rues au gré des pas. Savoir un peu plus, savoir encore une fois ce que l'on a toujours su. Qu'on est bien bras dessous, dessus. On dirait que les passants se font moins de mauvais sang. Y en a même qui s'enlacent tout comme nous. C'était lassant d'aller sans lassant. Bras dessus, bras dessous. Les vitrines ont beau nous faire de l'œil, on passe à l'as, on se balade à l'œil. Avec ta compagnie, on décolle pour pas un sou. C'est plein ciel, bras dessus, dessous. Tiens, une goutte, il va pleuvoir. Tant pis pour nos liquettes. Tu aimes la pluie sur les boulevards quand elle fait des claquettes. Les claquettes, ça me rappelle ce mec, un jean Kelly. Plutôt sec, et bien moi qui ne bois que du Vichy Célestin, j'ai trouvé une musique en chemin. La la la. Raconte une balade. On dirait que les passants se font moins de mauvais sang. Y en a même qui sont lasses, tout comme nous. Si t'es lassant d'aller sans lassant, bras dessus, bras dessous.